Donc je vais laisser la parole à Samy qui va nous parler du brain jacking. Eh ben, pour l'occasion, le brain jacking, c'est peut-être un mot qui vient des États-Unis, mais qui n'a pas de définition en français. Et la façon dont on le dit en français, nous, le brain jacking n'a pas la même définition qu'aux États-Unis. Donc, eh ben, si tu es là, tu pourras entendre. Donc, t'hésite pas. Bah, bouge pas. Allez, très vite. Je m'appelle Samy. Je vais vous parler de brain jacking. Alors, le brain jacking, grosso modo, c'est une pratique d'un géant en particulier, de plusieurs géants du numérique. J'ai nommé Google, Bing, et malheureusement Quant aussi le fait. C'est pas un sujet en soi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'économie, la démocratie, l'emploi, nos politiques, tout ça, ça m'intéresse. Je suis pas là pour vous parler de Google, on en a rien à foutre, hein. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai envie de vous parler de comment Google fait pour détruire notre économie ou comment Google fait pour malheureusement abîmer notre démocratie. Voilà, par ses pratiques pour gagner toujours plus de pognon. Et l'une de ces pratiques, c'est le brain jacking. Alors, je suis désolé, je vais pas parler de médical ni de psychologie. Je sais pas si vous étiez venu pour entendre ça. Non, pas du tout. Bah, tant mieux. Alors, je vais vous parler de brain jacking. Alors, très vite, il faut que je vous dise une chose. D'habitude, je fais des mini-entretiens avec des députés, des sénateurs, et je leur parle de brain jacking. Mais pour ça, en général, j'ai besoin d'un ordi. Et là, j'ai pas d'ordi, donc je vais juste essayer de vous décrire ce qu'est le brain jacking ou d'autres pratiques d'ailleurs de Google. Et pour ça, soit vous pouvez me faire confiance. Soit vous pouvez aller vous-même sur votre téléphone, regarder, faire des exemples, très vite, taper sur Google et regarder ce qui se passe. Donc la première chose, c'est peut-être que je me présente, alors, encore une fois, Samy. Alors mon parcours, c'était devenir enseignant à la base. J'ai toujours été intéressé par le numérique. J'ai dû abandonner les études à l'année du concours en 2008 avec une petite crise financière. Et je connaissais le brain jacking, je connaissais Google bien sûr avant tout ça. Déjà étudiant, mais j'avais jamais fait attention à l'impact que ça pouvait avoir sur l'économie et aux conséquences avant moi-même d'entrer carrément sur le marché du travail. Merci beaucoup. Non. Et donc voilà. Alors par exemple, j'ai déjà envie de vous poser une question parce que je suis pas là forcément pour que vous m'écoutiez que moi. J'ai envie de savoir si des personnes parmi vous travaillent pour Google. Personne, tant mieux. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ou une qui travaille dans le numérique ou pour une énorme boîte sur le numérique? Laquelle? Dans le numérique. Tu travailles dans quelle boîte? Dans la recherche? Ok. Est-ce qu'il y en a qui font des achats sur Internet? Tout le monde? Bah oui. Non, pas tout le monde, tant mieux. Ah, et qu'est-ce que vous achetez, madame? Des vêtements? C'est essentiellement ce que vous achetez? Que des vêtements? Personne n'achète autre chose que des vêtements? De la nourriture? Pardon? Des billets d'avion, voilà, génial. Alors, j'ai envie d'abord d'entrer dans le sujet comme ça. La solution, elle est là. Je vous donne la solution avant que vous partiez tous, parce que ça risque d'être long, 20 minutes quand même. Ça s'appelle uBlock Origin. C'est un petit add-on, un micro-logiciel qui se connecte à la plupart des navigateurs et qui vous empêche d'être brainjacké par Google, on va dire ça comme ça, et qui vous permettra tout simplement de vivre un peu plus heureux, en tout cas j'espère, et surtout de créer des emplois en France. Voilà, parce qu'on parle de loi travail, on parle d'emploi, on a envie que M. Comrie et Hollande créent des emplois, et malheureusement ils ont trouvé rien d'autre que cette loi travail. Malheureusement, il n'y avait pas que ça. Ils sont bien au courant du brainjacking, hein. J'étais au ministère des Finances, par hasard, pas tout à fait, mais ils sont très au courant, même avant d'être au pouvoir, ils étaient bien au courant. La plupart des sénateurs, des députés sont très au courant, il y en a qui luttent contre ça. Et malheureusement, en France, on n'est pas beaucoup à parler de brainjacking. On est une petite poignée, je crois qu'on est une centaine à connaître le truc et une dizaine à se battre contre ça. Donc le brainjacking, petit exemple, vous tapez, je sais pas quoi, un nom de resto, un petit hôtel, une toute petite boutique sur Google, là tout de suite, et vous allez voir que Google va vous afficher des résultats. C'est génial, c'est son boulot. Jusque-là, pas de problème. Seulement, il vous affiche pas que des résultats naturels, comme il appelle ça, des résultats organiques. Au-dessus de ces résultats organiques, il va vous afficher entre 1 et 4 pubs actuellement. Alors lui, il appelle ça des publicités. Un sénateur m'a dit de pas appeler ça des pubs, mais plutôt de l'escroquerie. mais il va vous afficher une à quatre publicités de façon aléatoire. Hein, c'est pas compliqué. En général, c'est 3 d'abord, 2 ensuite, 0 après, si vous faites plusieurs fois la même recherche. Et ces pubs, en général, c'est juste pour faire du pognon. Hein, ça, il n'y a pas de souci. On sait comment Google fonctionne. C'est son modèle économique. Ils vendent de l'espace publicitaire à un tas d'entreprises. Des petites associations aussi payent de l'espace publicitaire sur Google. Et cet espace publicitaire, malheureusement, des fois, il permet de détourner de la clientèle à des toutes petites PME, des toutes petites entreprises. Alors moi, j'ai un copain, par exemple, il a une boîte. Il travaille pour une boîte d'accordeurs de piano qui s'appelle Juste un piano à Versailles. Et si vous faites la recherche là tout de suite sur Google, si j'avais eu un ordi, j'aurais fait pour vous. Vous tapez Juste un piano à Versailles et le premier résultat, c'est une publicité qui est Juste un piano. Mais il n'est pas à Versailles. Et c'est pas juste un piano à Versailles. Et ça vous dirige vers une autre boîte qui s'appelle Euroconcert et qui est à Paris. Voilà. Ça, c'est du brainjacking. Actuellement, vous avez un petit gars là qui est dans le marais, là, un petit restaurateur. Le restaurant, il s'appelle Les Philosophes. Il passe souvent à la télé. Il a fait une petite... Pardon ? Merci beaucoup, merci de m'interrompre, merci. Il a fait une petite publicité, enfin il n'a pas fait de pub, pardon. Il est passé sur Facebook, il se filme devant son resto, et il appelle à l'aide, il appelle au secours, il appelle les députés, les sénateurs, il les insulte un peu à la fin, c'est dommage. Mais il les appelle à l'aide et il comprend pas pourquoi quand on tape le nom de son resto, tout simplement les trois premières pubs, ça ramène sur TripAdvisor par exemple. Et TripAdvisor indique son restaurant comme non disponible. Ou non réservable. Et en fait, pour être réservable, il fallait qu'il s'abonne avec une autre boîte qui est très connue, qui s'appelle La Fourchette. Je suis sûr que vous connaissez tous. Et s'il avait décidé de donner à La Fourchette 2 € par couvert, ce qui correspond grosso modo à 10% de son chiffre d'affaires, à cette condition-là, TripAdvisor l'affichait comme disponible et réservable. À la place, TripAdvisor, sur cette liste-là, donc vous faites Les Philosophes, restaurant, hop, vous arrivez sur Les Philosophes, TripAdvisor, vous cliquez parce que vous avez vu Les Philosophes restaurants, vous êtes dit c'est génial, c'est le résultat que je cherche, et là vous arrivez sur une page qui vous propose d'autres restaurants, y compris Les Philosophes, mais d'autres restaurants, et qui vous dit Les Philosophes, je suis désolé, on peut pas réserver. Mais ils vous disent pas pourquoi. C'est parce que ce mec-là, il a tout simplement décidé de ne pas être, de pas donner 10% de son chiffre d'affaires, quoi. C'est du racket, c'est exactement ça, voilà. C'est comme ça qu'on le définit. Donc c'est le racket de Google. Alors Google, à ce jeu-là, ils sont parfaitement au courant de ce qu'ils font parce que ils ont pas été condamnés, ils sont partis en procès en France, partis en procès à Bruxelles. L'Union européenne a décidé de les dédouaner du brainjacking. Vous avez réussi à voir ou pas ? Ça a pas marché ? Je sais pas si vous avez fait le test, non ? D'accord. Alors, juste une seconde, je vais tout dire, pas de problème. Alors, le brainjacking, c'est un gros ennui parce que vous avez une petite PME, un petit resto, vous créez votre boîte de design, de dessin, de je sais pas. Et les gens qui veulent vous chercher, en général, ils vont taper le nom de votre boîte, tout simplement. Et là, souvent, ils vont tomber sur des pubs qui reprennent le nom de votre boîte, ou pas. Mais souvent le nom de votre boîte, et si elle prend le nom de votre boîte et qu'elle envoie chez un concurrent, c'est pas cool. Ou si elle envoie pas chez un concurrent, elle envoie sur ce qu'on appelle et ce qu'on adore tous, j'en suis sûr, même si c'est la grosse arnaque, des gros comparateurs. Vous connaissez le Lynx, vous connaissez des comparateurs aussi pour l'énergie, parce que maintenant on a ouvert le marché de l'énergie, des comparateurs pour des restos, des hôtels, des vols au Podo, ainsi de suite, peut-être des comparateurs aussi de plus en plus pour tout simplement des petites boîtes de chantier, de PME qui font du bâtiment, des peintres, des plombiers. Et malheureusement, quand vous tapez son nom, c'est cette petite boîte-là, enfin cette grosse boîte qui récupère le nom, qui fait de la pub sur ce nom-là et qui redirige vers ces grosses entreprises qui tout simplement va afficher comme non disponible. Alors si vous faites le test sur du voyage, et c'est génial, parce que c'était le premier marché sur le numérique, faut le savoir, hein, la première valeur d'échange sur Internet, c'est pas compliqué, c'était du voyage, c'était très dématérialisé, il suffisait de réserver un vol, un hébergement, des musées, et tout ça, ça se faisait déjà énormément par Internet, et très vite, c'est la première chose qui a été attaquée par les géants comme Google, Bing, enfin plutôt Microsoft à l'époque. Et du coup, le gros problème avec toute cette histoire, c'est que ils sont aperçus du filon, et puis vous imaginez bien que ces boîtes de comparateurs, ils prennent des sous. Alors vous connaissez tous par exemple Expedia. Ouais. Non. Hotel.com, Booking. Non, personne ne connaît. Des... Ah, merci. Des sites qui permettent de réserver des billets d'avion, qui permettent de réserver des hébergements, qui permettent de réserver beaucoup de choses, et qui sont quasiment incontournables parce qu'ils font énormément de brainjacking. Et ben, faut savoir combien ils prennent de thunes, quoi. Et est-ce que vous avez une idée du pourcentage que ces boîtes vont demander à Air France ou à des hôtels pour figurer sur leur site? Vous avez une idée du montant, du pourcentage? C'est 20%. Alors, en fait, c'est 17 avant impôt, 21 après impôt minimum, ici à Paris. C'est le minimum, à savoir que ça monte à 50%. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y a un petit documentaire sur D8 qui a fait une petite enquête là-dessus, et ça peut monter jusqu'à 50% de commission. Donc, quand vous allez dans un petit hébergement, et ben, vous payez, je sais pas moi, 50 balles, et ben, ils prennent 25 balles, quoi. Et ça c'est le maximum. Bon, maintenant, si vous avez payé 70 euros, au minimum, ils ont pris 20 boules. C'est cool. S'il te plaît, tu peux me laisser parler? Merci beaucoup. Donc, avec tout ça, il faut savoir que cet argent-là, donc que ça soit au niveau de Google, est-ce que quelqu'un a une idée du chiffre d'affaires de Google en France? Pardon? D'accord. Dites-moi, non, honnêtement, quelqu'un a une idée du chiffre d'affaires de Google en France? En France, seulement en France. Bon, d'accord. On l'évalue à 2 milliards d'euros. On l'évalue à 2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Google en France. C'est 2 milliards d'euros. Alors, comment on fait pour l'évaluer? Parce qu'ils ne le déclarent pas. Hein. Ils ne le déclarent pas aux impôts français. Aux impôts français, ils déclarent 230 millions d'euros en 2015. Hein, je connais pas les chiffres 2016. Hein. Ils sont pas encore tombés. Mais en 2016, ils ont déclaré 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont payé 5 millions d'euros d'impôts. Ça tombe bien parce que l'année précédente, en 2014, ils avaient payé 7 millions. Donc, c'est une sacrée baisse. Faut savoir qu'en même temps, ils ont fait 13% de plus en chiffre d'affaires en France. Et on l'évalue comment? Ben, en fait, on sait qu'ils font 1,7 milliard d'euros de pub via les petites PME qui sont obligées de faire de la publicité aussi pour s'en sortir. Ben, en fait, ils font 1,7 milliard d'euros de publicité et ça correspond à 83% de leur chiffre d'affaires. Le reste du chiffre d'affaires est fait grâce à Android, la vente d'applications et autres. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Mais le gros de Google, c'est la publicité. C'est génial. Depuis 2001, ils font de la pub. Alors, pardon? Alors, oui, il y a un rapport avec l'ubérisation, mais on va pas rentrer dans tous les thèmes. Moi, je connais énormément le brainjacking parce que ça fait 6 ou 7 ans que je suis le truc, donc je peux en parler. Je connais plutôt pas mal le machin. Je vais peut-être pas parler d'ubérisation, sinon on va se perdre. Mais c'est lié. De toute façon, l'un des principaux actionnaires de Uber est Google. Et faut savoir qu'un tiers des sommes qui sont créées par ces comparateurs, hein, Google, Expedia, Lulinx, il y avait quoi aussi, la taupe là, la mini taupe, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour les pubs, pour les assurances, beaucoup de choses comme ça. Et ben en fait, ils reversent jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc eux, ils ponctionnent 20% en étant intermédiaires du chiffre de la vente. Et ils vont reverser un tiers de ces 20% à Google. Google ne peut pas se mettre sur tous les marchés parce qu'il est déjà taxé de trust, hein, de concurrence déloyale, de position dominante. Il est déjà énormément partout. Vous utilisez tous Google, j'en suis sûr. Vous adorez ça, j'ai adoré ça aussi. Vous n'êtes peut-être pas trop rendu compte peut-être que les résultats étaient de moins en moins pertinents sur Google. Il y a beaucoup plus pertinent comme moteur de recherche. Hein, je suis pas là pour faire de la pub. Lequel il fait aussi du brainjacking, mais il en fait moins et c'est de façon plus claire, c'est DuckDuckGo. DuckDuckGo, oui, DuckDuckGo. Quant, alors gros problème, il fait énormément de brainjacking, Quant. Eh ouais, il fait énormément de brainjacking et j'ai envie de tout de suite vous dire le problème avec le brainjacking. Alors, on s'en fout par exemple que Google fasse des milliards, ne paye pas d'impôts en France, enfin non, on s'en fout pas. Merci beaucoup, merci, je voulais juste voir si vous suiviez. Bon, on s'en fout pas, mais on pourrait dire, bon, ils sont super intelligents les mecs, ils ont fait quelque chose de génial, quoi. Ils font du pognon, c'est des génies, voilà. Bah non, c'est pas des génies, ils ont pas fait quelque chose de génial, il y a des gens qui ont fait tellement mieux. Vous avez un team comme... vous avez un type, pardon, qui s'appelle Tim Berners-Lee, je sais pas si vous connaissez ce mec. Non, bah c'est tout simplement le gars qui a fait les pages HTML, ce qui vous permet de voir des résultats avec du texte et des photos. Hein, sur des pages web. Alors c'est lui, et tiens, comme c'était lui qui travaillait au CERN à l'époque, eh ben il a pas fait que ça, il a fait aussi le World War Web, qui est en fait tout simplement le WWW. Hein, c'est à cause de lui tout ça. Donc l'adressage DNS, faut savoir qu'une page, une simple page, je sais pas moi, vous cherchez la page de quelque chose, impôts.gouv, par exemple, et ben normalement votre ordinateur, il demande pas impôts.gouv au serveur des impôts, au serveur du gouvernement, et lui ressortir la page. Il va demander, votre ordinateur va lui demander une série de chiffres qui s'appelle une adresse IP. Et en fait, cette adresse IP, ben, si vous vouliez avoir cet affichage-là, il faudrait tout simplement taper 192.2390. Une série de chiffres comme ça, impossible à retenir. Et ben, le mec, ben, tout simplement, il a traduit ça. Et quand vous faites une recherche DNS, et ben, ça traduit le texte en chiffres. Et ça permet d'intégrer votre page, enfin, toute une histoire. Donc, on s'en fout pas qu'ils fassent toute cette évasion fiscale, mais là où pose le problème, c'est qu'ils font du racket. Et comment ils font du racket? Eh ben, j'ai envie de vous donner un exemple. Un exemple que je prends souvent. Alors, tu veux regarder quoi sur le web? Team, DuckDuckGo, tout à l'heure. DuckDuckGo, tout à l'heure, si tu veux bien. Alors, très vite, ben, en fait, comment ils font pour faire du racket? Alors, je donne un exemple. C'est un exemple que je donne souvent aux sénateurs, parce que c'est un exemple qui est frappant. Malheureusement, cette personne se bat pas pour sauver son entreprise, malheureusement. C'est un petit hôtel qui est dans le 5e arrondissement, à côté du Sénat, qui s'appelle, là, vous pouvez tous faire une recherche sur votre téléphone. Ça s'appelle Hôtel Elisa Luxembourg. Et si vous faites une recherche sur votre téléphone, sur Google, ou sur autre chose, vous allez voir qu'il y a une, deux, trois pubs, dont la première est tout simplement, enfin, ce qu'on appelle une pub. Le premier résultat sera Hôtel Elisa Luxembourg. Génial, c'est ce que vous cherchez. Donc, pas de problème. Et si vous regardez en dessous, le nom de la page sera Hôtel Elisa Luxembourg-hôtel.it. Alors qu'il est en France, il est point en Italie, quoi. Tu te dis, merde, c'est un truc de fou. Bon, ben, il a le droit de se faire héberger en Italie, le mec. Il est peut-être pas fort, il sait pas comment fonctionne Internet, mais bon, c'est pas grave. Point IT, et là, tac, vous arrivez sur une page et vous dites, merde, c'est la page de l'hôtel, quoi. Vous voulez réserver votre hôtel, et là, surprise, vous faites les dates que vous voulez, l'hôtel est disponible. Et là, il vous renvoie sur Expedia. Et Expedia va renvoyer le client, va prendre la résa, et va envoyer donc le client dans cet hôtel, moyennant 25% de commission. Ok, bon, bah, c'est pas grave, 25% de commission de perdu. Ça tombe bien, s'il faisait pas 25% de marge, eh ben, il a plus de marge, le mec. Donc, c'est un peu bête. Donc, ce que fait Google, et là, c'est du vrai racket, c'est que, et ça, bon, bah, je le connais, je l'ai vu, je l'ai malheureusement entendu, et beaucoup d'autres personnes en parlent beaucoup mieux que moi, mais de façon plus longue. Je vais essayer de vous faire un bref aperçu, je vais vous faire passer pour Google. En général, ça commence par « Oui, allô, bonjour, ici Google France, je voudrais parler au directeur de l'hôtel Elisa Luxembourg, est-ce que vous pouvez me le passer ?»« Oui, c'est moi-même. »« Oui, écoutez, vous avez remarqué que Expedia et d'autres compagnies faisaient tous de l'achat de mots-clés sur votre propre nom commercial. Vous n'avez pas envie d'éviter ce problème ?»« Bah ouais, merde, c'est vrai, il détourne ma clientèle, il me la renvoie chez moi, 25%, ça fait cher quand même. Je perds tout mon bénéf, comment je fais pour m'en sortir ? Vous avez une solution ?»« Ouais, on a une super solution, ça s'appelle de... » Alors ça s'appelle de l'AdWords, c'est le produit de Google. Ça permet de faire des pubs sur Google tout simplement. Et il peut acheter son nom commercial lui-même, c'est-à-dire il peut acheter les mots-clés Hôtel, Elisa, Luxembourg, par exemple. Et là, s'il les achète, eh ben, ça tombe bien, il y en avait d'autres qui les avaient achetés avant lui. J'ai nommé Expedia et d'autres, hein, on s'en fout. Hein. Et donc c'est un système d'enchères, donc pour être devant eux, suffit de donner plus de thunes. Donc en général, le prix du clic c'est 1,78€. En moyenne. Sur TripAdvisor, c'est pareil. C'est 1,78€. C'est la moyenne. 1,78€, ils ont bien calculé leur coût, ça fait 15% du chiffre. Quand vous passez par ce petit lien et que l'hôtel a fait son boulot, il reverse 15% à Google sur le chiffre d'affaires qu'il va faire en général. Le problème, c'est que, en faisant ça, il nourrit encore plus Google, que, il a pas les budgets colossaux de ces énormes compagnies. Et que, je vais essayer de me faire comprendre, mais qu'il va réussir à vous capter vous. Là, parce que vous cherchiez tous, hein, vous avez tapé le nom de l'établissement, vous vouliez aller dans cet établissement et vous allez cliquer sur ce premier lien. Merci. Vous allez cliquer sur ce premier lien et donc, merci beaucoup. Et ben, il va filer 15% de son chiffre d'affaires, jusque-là tout va bien, mais il n'a pas les moyens de le faire tout le temps. Et donc, vous allez arriver sur cette page et là, souvent, vous cherchiez, une date précise, le nouvel an, c'était complet. Ah ben merde, vous avez cliqué, il a perdu 1,78€ pour rien. Sur Expedia, ça se passe pas comme ça. quand vous cliquez, que vous mettez les dates et qu'il n'y a, a plus de chambre dans cet établissement, on vous propose immédiatement d'autres établissements. Et là, bah, ils ont payé 1,78€, Expedia aussi peut-être. Souvent beaucoup moins parce qu'il y a des accords entre eux, bien sûr. Mais, et il va surtout pouvoir souvent, énormément, envoyer la personne intéressée, j'ai oublié comment on appelle ça, le client, c'est pas exactement ça, le prospect, vers un autre établissement. Et là, bah, il n'a pas perdu 1,78€ pour rien. Hein. Il s'est fait connaître, il l'a envoyé sur un autre établissement, il s'est fait 25% sur un autre établissement, c'est génial. Le problème, c'est que l'hôtel Élysée à Luxembourg, eh ben, il ne fait pas ça. Il ne peut pas, il ne va pas envoyer sur un autre établissement, d'autres ont essayé, ça ne marche pas. Et de toute façon, Expedia met une grosse pression. Donc ça marche avec l'hôtellerie, ça marche avec les billets d'avion, ça marche très peu avec les billets de train, j'en suis très heureux. Les billets de train, c'est un marché à part. Ils ont été obligés d'ouvrir le marché, la SNCF. Et ils se sont créés un mini concurrent qui rémunère de façon très légère, qui s'appelle, je suis pas là pour faire de la pub, je travaille pas pour eux, hein, qui s'appelle Capitaine Train, et qui est pas mal. Capitaine Train, c'est pas mal parce que, et d'ailleurs, à cause de ça, la SNCF a dû changer son système, c'est génial. Capitaine Train, en fait, regroupait toutes les offres. Alors vous aviez des offres Ouigo qui n'étaient pas sur SNCF.com, enfin voyagesncf.com, excusez-moi. Vous aviez des offres qui étaient sur Ouigo, qui étaient sur IDTGV, sur les trains ordinaires, sur Voyage SNCF. Et à ce jeu-là, eh ben, ils faisaient parler de Ouigo uniquement chez les étudiants et chez les personnes un peu plus fortunées. Eh ben, ils essayaient pas trop de les toucher en cible. Et les personnes plus fortunées passaient... Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, là, c'est désagréable, vraiment. Si t'écoutais un peu, tu saurais. Merci. Non, non, excusez-moi. Après, je donne les liens. Regardez, j'en ai marqué un en dessous. Non, non, excusez-moi, je parle à tout le monde, pas à une personne. Excusez-moi. Pardon. S'il vous plaît, en fait, là, c'est l'intervention va encore durer quelques minutes. Ensuite, on fera un débat avec tout le monde. Il faudrait tous prendre la parole. Mais j'appelle tout le monde à la bienveillance, dans l'écoute et dans la parole. Merci. Désolé. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller vite et je veux pas... Je suis pas un communicant, et encore moins dans ces conditions-là. En général, je parle qu'à deux personnes. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai pas d'écran, j'ai rien. Je fais comme je peux. Je suis désolé, hein. Je veux pas vous barber, justement. J'essaie juste de parler d'un... Excusez-moi, monsieur, vous êtes désagréable. Vraiment, c'est impoli pour tout le monde et pour moi. Vraiment. C'est vraiment pas sympa. Bon, je vais essayer d'aller vite et je vais essayer d'arriver au bout. Sur le détournement de Google, sur la démocratie. Alors, quand Google détourne 20% du chiffre d'affaires d'un resto, d'un hôtel, de Air France, qui a besoin de sous quand même, Air France, hein, faut pas déconner, c'est une grosse boîte aussi, mais ils ont quand même besoin de faire de la marge, hein. Tout simplement, ça augmente le coût de la vie, hein. Sur Amazon aussi, ça augmente le coût de la vie, bizarrement, il y a une casse démocratique, il y a une casse, pardon, sociale, parce que c'est des grosses boîtes qui vont faire des trucs criminels à mon sens. Et ça, j'en parle dans un petit article de Nuit Debout, là, sur le site. Si vous regardez, il y a un petit truc sur Google, je vous balance tous les liens, parce que ces chiffres-là, je les ai pas inventés, hein. Je vous balance plein de liens, les 2 milliards de Google, c'est sur le Figaro, je suis désolé, c'est aussi sur Le Monde. Et j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner toutes les infos. Alors, tout simplement, ces 2 milliards d'euros qui se barrent de France, au niveau de Google, c'est quasiment 20, 30 milliards qui vont se barrer via Amazon, via Expedia, via beaucoup d'autres boîtes qui travaillent avec Google. Et ces milliards d'euros, ils nous manquent un peu, quoi. Ils nous manquent un peu pour... tout à l'heure, j'entendais un gentil monsieur qui parlait de culture et de petits théâtres qui ferment. Et si les collectivités territoriales n'ont plus les sous pour financer ça, c'est tout simplement parce que y a quelqu'un qui a inventé une taxe, quoi. Il y a quelqu'un qui a inventé une taxe et c'est Google. Il a inventé une taxe qui est plus chère que la TVA des fois. 25%, c'est plus cher que la TVA. Et la taxe, c'est vrai que des fois, ça peut impacter quand même peut-être l'emploi. Alors là où Google détruit la démocratie, parce que je vais pas parler pendant des heures. J'ai essayé d'être clair. Hein, je suis pas rentré dans le sujet. Je suis désolé. J'approfondis pas. Mais là où ça détruit la démocratie, c'est qu'en ce moment, vous avez un super article sur Google Actualité, non je déconne, sur Le Monde et sur Le Figaro, qui parle de Google et qui en parle de façon très bien, j'adore, et qui dit tout simplement que Google, dans les 10 dernières années, a recruté 70 personnes de la Commission européenne. Ces 70 personnes, c'était des élus, c'était des agents, c'était, merci, c'était des personnes qui travaillaient dans la Commission européenne et les a embauchés pour leur carnet d'adresses, pour leur contact avec les politiques et pour jouer avec ça. Alors, faut savoir dans toutes ces personnes-là qu'il n'y a pas que au niveau de la Commission européenne qui tape. Et d'ailleurs, Google a très bien réussi son lobbying au niveau de la Commission européenne, puisque vers les années 2003 et 2005, ils ont réussi à faire passer des lois qui les rendaient totalement irresponsables au sujet des publicités qu'on pouvait faire paraître au sujet d'eux, enfin sur leur site. Donc, si Orange fait de la pub sur le mot-clé SFR, par exemple, eh ben, c'est totalement légal. C'est aussi du brainjacking, autrement, puisque Orange va pas afficher SFR dans le lien, mais va afficher Orange, mais ça ira au-dessus de SFR, pardon. Donc, dans ces cas-là, le problème, c'est que bah, ils détournent la clientèle d'SFR ou d'Orange mutuellement. Heureusement, ils ont des milliers d'avocats, ils arrivent à aller en procès, donc ils arrivent à sauver leur truc et pas trop se taper sur les doigts au bénéfice de Google. Mais des fois c'est pas le cas. Des fois c'est pas le cas. Et du coup, quelqu'un a écrit un article il n'y a pas si longtemps que ça sur Internet en disant, imaginez que la Commission européenne a donné un poste un peu particulier à Google, qui lui a donné le poste d'arbitre, tout simplement. Il est à la fois juge et partie, tout simplement. Alors on lui dit de faire attention, d'éviter un petit peu les conflits d'intérêts. Mais imaginez un arbitre qui serait payé au nombre de buts d'une équipe. Tout simplement, cet arbitre-là aurait tout intérêt de laisser passer certaines fautes, certaines erreurs, certains méfaits, certains cartons jaunes, de pas mettre le carton et même de provoquer la faute. Et c'est ce qu'ils font, tout simplement. Ils le font très bien puisque ils conseillent les entreprises de faire du brainjacking mutuellement et de détourner la clientèle comme ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la solution, elle est là. Ça s'appelle Ublock Origin. Que c'est gratuit, c'est libre, c'est un logiciel open source, c'est fait par un petit Canadien qui demande aucune thune, hein, et qui se fait pas payer. C'est tout simplement un adblock. À la seule différence que adblock, c'est une boîte privée qui fait payer Google et Amazon pour laisser passer par défaut des pubs, et que Ublock bloque toutes les pubs, et c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et je passe le micro. Alors non, ça bloque pas les sites, mais ça bloque la pub. Ça bloque la pub sur les sites, ça bloque les trois premiers liens, ça bloque tout ça. Je vous passe le micro, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire clair, mais je suis parti dans tous les sens, je suis désolé. Ce monsieur veut poser une question, je suis sûr qu'on va lui passer le micro en premier. Non ? Non, d'accord, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a une question, monsieur ? En fait, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Moi, j'utilise Adblock jusqu'à présent sous Mozilla, et donc je voulais savoir quelle était la différence. Et d'autre part, c'est plus une remarque, j'ai constaté, même avec Adblock, qu'il y a un certain nombre de sites qui, dès que j'ouvre ces sites, ouvrent une fenêtre en disant « Attention, vous utilisez un bloqueur de trucs, donc si vous voulez continuer, fermez votre bloqueur, sinon vous ne pourrez pas continuer. » Donc comment réagir par rapport à ça ? Alors, on m'a posé une première question, c'est quelle est la différence entre Adblock et Ublock ? Je l'ai dit déjà dans le truc, Adblock est une boîte privée qui a décidé de bloquer les pubs, c'est génial, mais qui définitivement, là, il y a une année ou deux, et si vous tapez Adblock sur Internet, tout ça c'est vérifiable, a décidé de laisser passer par défaut, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont pas spécialistes, hein, qui vont pas aller dans les paramètres bloquer toutes les pubs, a laissé passer par défaut les pubs de Google et d'Amazon, moyennant un pourcentage du revenu de ces pubs. Donc ils se font du pognon sur Google et Amazon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je trouve ça pas moral, soit on bloque les pubs, soit on les bloque pas. Peut-être que vous avez envie de laisser passer les pubs de Google ou Amazon, j'en sais pas. C'est un choix personnel. Moi j'estime que ces boîtes-là font de l'évasion fiscale, font du détournement de clientèle, se mettent en intermédiaire, c'est pas cool. La deuxième question, c'est, je réponds à la deuxième question, qui était, oui mais moi j'ai installé Adblock, donc Adblock vous avez compris, moi j'aime pas trop. Ah oui, la différence aussi avec Ublock, c'est que Ublock accélère votre ordi. Adblock le ralentit, Ublock l'accélère, parce qu'il ne télécharge pas les pubs. Adblock les télécharge, mais vous les affiche pas. Ublock les télécharge juste pas. Donc il les télécharge pas, il libère de la bande passante, hein. Tout ça c'est vérifiable, hein. Il libère de la bande passante, oui bien sûr, plaisir. Il libère de la bande passante, il libère du processeur, il libère de la mémoire. Hein, il télécharge pas, du coup il a pas besoin de réfléchir pour ça, c'est génial. Deuxième question, alors on me dit oui mais merde, j'ai installé un bloqueur de pub, Adblock ou Ublock ou n'importe quoi d'autre. Ublock Origin, hein, c'est pas Ublock d'ailleurs, c'est Ublock Origin, c'est important le mot origine. Hein. C'est Ublock Origin, hein, je l'ai marqué. Parce qu'il y a aussi uBlock et c'est pas pareil, uBlock Origin. Donc la deuxième chose, c'est ouais merde, j'ai installé un bloqueur de pub et là ça affiche pas le contenu. Génial le débat. C'est un gros problème de pas afficher le contenu. Le Point, Le Monde, Le Figaro et tout s'est vendu, non je rigole. affiche des publicités pour vivre, merde. Et si on n'affiche pas leur pub, eh ben ils peuvent pas vivre. Et ouais, c'est vrai. Et ben en même temps, ben ils font aussi du brandjacking, Le Figaro, parce que vous avez remarqué quand vous cherchez des chaussures sur Google, et ben tac, vous allez vous naviguer et vous retrouvez vos running partout sur Le Figaro, sur Le Monde, sur ce que vous voulez d'ailleurs. Et le problème, et ben c'est que malheureusement, il faut quand même financer la liberté de la presse, il faut quand même financer ses contenus. Alors il y a Mediapart qui se finance de totalement autrement, c'est génial, j'adore. Mais ben ouais, ça fait un gros débat parce que s'il n'y a pas de pub, il y a beaucoup de contenus qui disparaissent d'internet, faut le savoir. Donc je suis pas jugé parti, je donne les deux versions. Ah, c'était pas la question. Ce que je voulais dire, c'est que si on a AdBlock, bon, ça doit être la même chose avec uBlock, c'est en ouvrant un site, et en particulier, effectivement, Le Monde, etc., on a carrément, on ne peut pas accéder au site. C'est, ils nous disent, si vous voulez accéder au site, vous fermez votre appli. Eh ben, il y en a beaucoup qui le repèrent et qui vous mettent pas ce message, qui ont décidé de pas le faire. Effectivement, si vous libérez pas, c'est pas désinstaller l'appli, il y a un petit bouton, uBlock a eu la bonne intelligence de mettre un bouton. Vous pouvez le mettre sur off le temps de naviguer sur le site qui affiche de la pub. Si celui-ci vous impose de voir de la pub, vous avez le choix. Soit vous voulez voir vraiment le contenu et vous fermez le bloqueur en un clic. Et c'est génial. Et là, vous accédez au contenu, mais vous voyez la pub. Soit votre choix, c'est comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils font, bah non, fake, j'ai pas envie de voir de pub, je suis pas pour cette liberté-là de la presse. Je suis sûr que Dassault a racheté des parts énormément d'importantes de journaux, pas pour son côté rentable, parce que Le Figaro, Le Monde, c'est totalement pas rentable. Faut commencer à comprendre pourquoi ces grands groupes industriels achètent des journaux. Hein. Et ben, c'est tout simplement pour le pouvoir médiatique et pour pouvoir contrôler le pouvoir politique. Voilà, pardon. Donc, il n'y a pas de solution, il faut juste désactiver. En fait, à qui ça appartient, uBlock ou uBlock? Et est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est... Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont moraux, finalement, par rapport aux autres? Et voilà. Alors, la différence entre uBlock et AdBlock, je l'ai déjà dit. AdBlock, c'est une boîte privée. Je suis pas là pour... Je pensais vraiment pas parler autant des bloqueurs. AdBlock est une boîte privée qui fait du pognon. Hein, en passant un deal avec Google et Amazon, un deal qui est entre 2 et 3% du chiffre d'affaires des publicités, ce qui est énorme, des publicités qui seraient affichées si AdBlock n'était pas là. Donc il les laisse passer par défaut et c'est dommage. Vous pouvez quand même les désactiver dans AdBlock, mais il faut s'y connaître un tout petit peu. Voilà pourquoi c'est moral, c'est que uBlock bloque tout, il vous demande pas de thunes, il nous demande pas de thunes aux boîtes privées. Et si tu veux lui faire un don au mec de uBlock, qui est un petit Canadien, je l'ai dit, c'est un petit Canadien, c'est un petit Canadien qui a fait ce add-on, tu veux lui faire un don, et ben il refuse le don. Voilà, il veut pas tes thunes, quoi. Donc, c'est un peu plus moral. Donc, c'est un logiciel libre, open source, machin chose. Et là, dit, et c'est pour ça que ça s'appelle uBlock Origin. C'est parce que ce mec-là, ça appartient à qui? Ben, en fait, il avait créé à la base uBlock, tout court, pas Origin. Il avait créé uBlock et puis il l'a donné à une association démocratique de citoyens. Et ces citoyens-là ont vu le problème du contenu des journaux et d'autres sites qui n'existeraient pas sans la pub et ont décidé de passer eux aussi un deal. Et du coup, le mec, il a fait non-stop. uBlock, c'est pas la pub en passant un deal pour récupérer des thunes. Non, c'est pas de pub. Et du coup, il a arrêté uBlock, qui existe toujours, mais qui est pas mis à jour. Et il a refait uBlock Origin, qui est beaucoup plus puissant. Voilà, tout simplement. C'est du bénévolat, ouais. Comme beaucoup de logiciels, c'est des logiciels gratuits et open source qui sont sur Internet. Alors, ça crée des virus, non? quel type de virus? Je sais pas. Oui, bien sûr. Et donc, non, ça crée pas de virus parce que ça va juste pas télécharger les pubs. Et puis c'est tout, quoi. Vraiment, c'est tout. Il y en a des plus puissants que ça et des plus compliqués, hein, des bloqueurs que uBlock. Faut s'y connaître en informatique pour commencer à bloquer toutes les lignes et tout ça. uBlock, ça le fait juste par défaut, c'est juste du bonheur. Ouais, ok. Je passe le micro après. Juste que par rapport à ce que vous aviez dit, aussi, il y a ça marche pas forcément pour tout, hein, mais la magie d'Internet, c'est aussi que tout est relié. Enfin, il y a plein d'informations justement qui sont pas seulement données sur un site, mais ensuite qui sont données par plusieurs sites, et ça fait comme ça un une grande toile. Et donc, du coup, s'il y a un site où le bloqueur bloque les pubs et que le site dit bah non, vous bloquez les pubs, donc vous pouvez pas avoir le contenu. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas débloquer les pubs et d'aller chercher ce même contenu, mais sur un autre site qui, lui, va quand même donner les informations, même si les pubs sont bloquées. Et simplement aussi, alors je ne sais pas si uBlock le fait, mais en tout cas, je crois que AdBlock ne le fait pas. justement, elle bloque, ils bloquent pas les pubs sur les vidéos comme sur YouTube où il y a des pubs, ou les vidéos que vous regardez, les vidéos sur Canal+ par exemple en ligne, et ben il y a des pubs et Adblock ne les bloque pas. Je sais pas si Ublock les bloque, parce que je sais, enfin à mon avis c'est pas du tout, c'est un choix quoi, c'est pas une incompétence. Alors tout simplement sur les pubs YouTube, puisque c'est la question qu'on me pose, merde, vous voulez voir votre contenu et puis ça tombe mal, vous avez été, je vois Etam là, vous avez été chercher de la lingerie sur Etam, vous avez fait des recherches, vous cherchez des maillots de bain et tout ça, et là vous arrivez à, sur YouTube, vous voulez voir la super vidéo du petit chaton qui descend les escaliers sur le dos, c'est génial, c'est vraiment chiant, c'est incroyable, c'est vraiment irrespectueux pour tout le monde. Non, vraiment, vraiment, je vous conseille de partir, même à la limite. Donc, vous avez fait de la recherche sur Etam et vous avez cherché un super maillot de bain pour cet été, comme ma copine qui adore ça. Et voilà, on veut aller à la plage faire du surf et tout ça. Ouais, tout le monde est consommateur, on mange, on boit, on chante, on fume, non? Et donc, bah là, vous allez sur YouTube pour voir la vidéo du chaton et on vous affiche une vidéo, une micro-vidéo juste avant qui dure 20-15 secondes, que vous pouvez passer au bout de 3 ou 10 secondes. Et ben, Ublock les bloque. Enfin, essaye de les bloquer, parce que c'est un jeu entre Ublock, Adblock et Google. Google met à jour YouTube, ça, YouTube appartient à Google, hein, faut le savoir. Met à jour les pubs et son système d'affichage pour éviter de contrer l'algorithme de et les surtout les liens que Ublock va mettre en jeu en les mettant à jour. Et à ce petit jeu-là, et ben des fois, ça va bloquer les pubs. Actuellement, Google est en train de gagner parce que ils arrêtent d'afficher les pubs de façon discrète, enfin de façon indiscrète. Les pubs dans la vidéo étaient sur une page différente, machin chose. Maintenant, tout ça est lié, ils arrivent à les fondre de plus en plus avec la vidéo de contenu que vous voulez voir. Et c'est de plus en plus dur pour des gars comme Ublock, Adblock ou d'autres de bloquer ces pubs. Une question peut-être ? Moi, je voulais savoir si les entreprises qui font du brainjacking, elles vont directement démarcher chez les gens pour leur dire de fonctionner avec eux, ou alors est-ce que c'est les petites entreprises qui sont tellement en galère se sentent obligées d'aller vers eux? Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés. Alors déjà, ces boîtes qui font du brainjacking, c'est Google. Alors Google va téléphoner aux petits restaurateurs, aux petits, ils vont le faire, ils le font de façon régulière, mais souvent les boîtes, quand elles sont perdues, quand elles voient que, bah, tout simplement leurs clients sont ailleurs, quoi, quand ils tapent le nom de recherche, quand vous cherchez un numéro de téléphone ou quoi, et, enfin, le nom d'une boîte, et qu'on l'envoie sur une autre boîte, ou qu'on l'envoie sur une boîte qui n'est pas elle, et qui pourtant utilise son nom, comme mon pote qui a son magasin de piano là, qui s'appelle Juste un piano à Versailles, et qui envoie chez Euroconcert. Alors c'est marqué Juste un piano numéro 1 en France, vous cliquez Juste un piano, merde, eh ben non, vous arrivez sur une autre boîte qui s'appelle Euroconcert, il y a marqué piano, ça fait pas dans le détail, vous comprenez pas, vous cherchez du piano, ça tombe bien, eh ben il est obligé à un moment donné de se dire, ah merde, Euroconcert, ils mettent 1,78€, ben moi je vais mettre 1,80€ par clic. Que vous achetiez ou non, hein, 1,80€, ensuite c'est ensuite faut savoir comment ça marche. Alors c'est pas à chaque fois que vous allez cliquer que ça va donner 1,80€, hein. C'est une fois dans la journée par IP. Ça veut dire que si vous êtes connecté une fois que vous avez cliqué et que vous recliquez une deuxième fois dans la même journée, ça va pas donner 2€ et quelques. Ça donne une seule fois 1,80€. Si vous recliquez le lendemain, ça donne encore 1,80€. Si vous débranchez votre ordi, que vous le rebranchez, que vous effacez tout le contenu du navigateur, que vous changez de navigateur, et que vous recliquez, là oui, ça donne 1,80€ en plus. Si vous voulez vraiment donner des thunes à Google, c'est le moyen idéal. Ou si vous voulez ruiner, je sais pas, une boîte qui fait des trucs immoraux comme Petit Navire. Non, je rigole. Je constate quand même que le monde des geeks, des mondes des programmeurs, est libertarien, quoi. Ils sont tous branchés sur le profit. Et ils continuent, quoi. Donc, du côté du monde des geeks, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour leur faire prendre conscience de ce dans quoi ils se plongent, quoi. Voilà, ouais, les codeurs, je les connais trop bien, quoi. Et, ça suffit, quoi. Donc, waouh, il serait temps un tout petit peu de leur faire prendre conscience de ce à quoi ils sont en train de participer, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est dans le monde des geeks qu'il faille un tout petit peu leur faire prendre conscience de ce dans quoi ils s'embranchent, quoi. Ouais, ça suffit, quoi. Ça suffit. Enfin, juste pour ça, enfin, par exemple, je suis allé J'ai passé un peu de temps à l'école 42 pour ceux qui connaissent. Je suis désolé, mais les codeurs, en fait, non, mais juste pour dire que j'ai une petite expérience du coup des codeurs, comme tu disais, et que les codeurs, c'est simplement, ils représentent, comme tous les autres domaines, ils représentent une partie de la population. Donc, c'est pas parce qu'ils sont codeurs qu'ils veulent le profit. il y a certains codeurs, effectivement. Non, mais donc, je vais pas contredire ton propos. Effectivement, dans l'école, si je me demande la vérité, effectivement, dans l'école, la plupart des élèves sont là pour aller dans le profit et dans ce qu'on connaît de l'internet, ce qui va beaucoup vers l'argent, c'est vrai. Mais il y a pas que ça. Enfin, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses libres qui sont venues de l'informatique et tout. Donc, on peut pas juste dire l'internet c'est l'argent. Les geeks ou les pas geeks, on s'en fout. Il y a autant de connards chez les geeks que dans toute la population ou pas. Hein, je sais pas. Il y en a qui veulent faire du pognon ailleurs qu'en étant geek. Effectivement, le numérique c'est un problème et une chance. Alors, le mec que je vous ai dit là, le mec qui s'appelle Tim Berners-Lee, hein, qui quand même a inventé pas mal de choses et qui a fait beaucoup plus que Google pour le numérique et pour Internet, Apple a récupéré le pouvoir et est très désolé de voir ce qu'a fait certaines entreprises et de la façon dont détourne l'économie et le profit et la démocratie à son propre intérêt. Et il disait que Internet, c'était pas dans cette idée-là qu'il a voulu le développer, parce que c'est grâce à lui l'expansion de l'Internet. Hein. Avant lui, par exemple, Internet existait déjà. Alors Internet, ça a été inventé pour une question de non-profit pour l'occasion. Internet est tout simplement le premier réseau qui a été inventé pour éviter une perte de pouvoir militaire en cas d'attaque nucléaire. En fait, l'armée a décidé de connecter plusieurs postes de contrôle dans son pays, l'armée américaine, dans son propre pays, afin que si Washington était attaqué en première, Boston ou Los Angeles puissent répondre par une même attaque. Une attaque avec différents silos ou sous-marins qui répondraient tout simplement à l'URSS. Et c'est à ce niveau-là que ça s'est développé. Alors maintenant, il y a une forme de profit. Alors moi, j'ai reçu des demoiselles de HEC, je ne sais pas si on a ici, mais des gentilles demoiselles de HEC qui ont créé une start-up, alors elles sont hyper jeunes, c'est incroyable, et qui demandent en fait, ils font le tour des petites boutiques et des hôtels en disant, si un client vous demande un resto, vous demande de recommander un resto, voilà la liste, passez par nous, voilà la liste des restos qu'on recommande, et voilà notre numéro de téléphone, et on réserve pour eux dans le resto. Et puis je leur pose 10 fois la question avant qu'elles me répondent, oui, mais c'est quoi votre modèle économique? Nous on demande 15% au resto, quoi. Ok, mais si tout le monde demande 15% au resto, merde, c'est ça marche, quoi. Enfin, moi je dis ça... Le mec, il a plus de marge. Si vous demandez pourquoi votre hôtel est pourri, pourquoi les chaises de votre resto est cassée, pourquoi on vous met des petits pois surgelés, c'est parce que le mec, il a pas le choix. Alors, l'internet, c'est génial, c'est simple. Vous voyez les agriculteurs, c'est le même délire. Il y a une boîte qui a fait l'intermédiaire entre beaucoup d'agriculteurs et des supermarchés. Et là, il y en a une boîte qui fait ça, mais sur tous les postes, quoi, sur tous les domaines. Sur tous les domaines professionnels, et cette boîte s'appelle Google. Que vous alliez dans une boulangerie, que vous alliez chez Etam, que vous cherchiez de la téléphonie, du voyage, des billets d'avion, des billets de train, n'importe quoi, même une association, vous tapez UCPA, tout le monde connaît, hein, l'Union Nationale des Clubs, Centres de Plein Air, pardon, qui est une association de sport, de culture aussi, française, soi-disant à but non lucratif, je sais pas trop, mais qui est génial. Et ils font des pubs sur Google pour s'en sortir aussi, quoi. Merde, ils prennent même des sous aux associations. Des questions? Ouais, je voudrais savoir si en passant par DuckDuckGo, on pourrait éviter complètement le brainjacking. Et comment ça marche alors, quelle est la différence avec Google? C'est ça l'intéressant, j'ai pas du tout parlé. Alors, il y a du brainjacking un peu partout. DuckDuckGo fait un truc génial. C'est que, il le masque pas. Là, aujourd'hui, vous avez tous une mise à jour qui date de la semaine dernière de Google. Une mise à jour qui est géniale. Google n'a pas commencé à faire du brainjacking comme ça, hein. Au début, il mettait les pubs sur le côté droit. D'abord, au début, en 2000, en 99, il mettait pas de pubs. Ensuite, il a mis les pubs sur le côté droit. Ensuite, il s'est dit, merde, personne clique sur les pubs. On va les mettre au-dessus, dans un cadre jaune. Vous vous souvenez tous du cadre jaune. Il était très foncé, d'ailleurs, le cadre jaune. Et puis, il a mis le cadre jaune, boum, et il a mis les 3 pubs dessus. Ensuite, il s'est aperçu que les gens, ils regardaient même plus les pubs. Il passait tout de suite sur le 4e lien. Il s'est dit, merde, on va afficher les pubs de façon aléatoire. 1, 2, 3, ça dépend. Et en fonction de la recherche précédente. Comme ça, on va afficher le contenu que vous voulez voir. Enfin, le contenu que vous auriez aimé voir avant le contenu que vous vouliez voir. C'est génial. Donc, tac. Et là, actuellement, la mise à jour de votre système, vous pouvez le voir si vous cherchez une boutique, un truc. Vous allez voir que, avant, Google, très récemment, a enlevé le cadre jaune des publicités et mettait un petit annonce, pas publicité, mais marqué annonce à côté des pubs. Et là, l'annonce est devenue verte. c'est génial. Elle est verte, elle est pas verte pour rien, c'est parce que le DNS, le nom de domaine est vert juste à côté. Et de plus en plus va afficher les pubs de façon non claire. C'est pour ça que Google et son algorithme est de moins en moins efficace. C'est parce qu'ils ont de toute façon les moyens de le rendre efficace dans la recherche que vous voulez faire. Le problème, c'est qu'en affichant des pubs de, je sais pas moi, d'euros concert au lieu de juste un piano, et ben vous tombez pas sur le site que vous voulez. Voilà. Et comme il affiche de façon pas claire et aléatoire des publicités, et de moins en moins claire en masquant de plus en plus que c'est des publicités, et ben vous voyez pas la différence. Alors il y a une étude qui a été faite par un organisme anglais qui est tout simplement l'équivalent de, comment ça s'appelle le truc qui régule les médias, le CSA, l'équivalent du CSA et d'un autre truc qui est l'ARCEP, qui permet de réguler les télécoms. J'ai oublié, non, c'est ça. Et ben voilà. Et ben il y a un organisme anglais qui regroupe ces deux entités. En Angleterre, ça fonctionne différemment qu'en France, et qui a fait une étude. Une personne sur deux, un adulte sur deux, ne fait pas la différence entre un résultat naturel et un résultat sponsorisé. Un adulte sur deux, c'est pas moi qui le dis, c'est l'organisme des télécoms anglais. C'est disponible, vous pouvez le voir. C'est une étude qui date de cette année. Voilà. Ah, et DuckDuckGo affiche les pubs, mais de façon plus claire, ne les affiche pas de façon aléatoire, et on met qu'une seule. Pour l'instant, ils font du brainjacking, mais très léger. Voilà. Il y a beaucoup mieux que DuckDuckGo, mais le problème, c'est pas mieux que DuckDuckGo, c'est pas mieux que Google. Le problème, c'est que DuckDuckGo, c'est très bien, c'est très clair, c'est très visuel, c'est très beau. Ça affiche différemment, donc il faut prendre l'habitude. Le problème, c'est que Google a très bien joué le jeu. Ils auraient pu tout de suite ne pas afficher les publicités de façon claire au-dessus. Et dans ces cas-là, vous auriez tous détourné de Google très vite. Non, en fait, ils l'ont fait petit à petit. Et le problème entre DuckDuckGo et Google, c'est que Google va regrouper maintenant Google Images, Google Actualités, YouTube. Il va regrouper aussi Google Traduction, Google Earth, Google Maps, c'est Gmail. Et donc, de plus en plus, vous êtes sous l'emprise de Google, vous avez un Android, vous avez un téléphone Android, vous devez créer un compte Google si vous voulez débloquer votre téléphone Android, s'il venait à être bloqué. Voilà. Donc, il crée un schéma où vous êtes tous coincés à utiliser toute votre vie Google. Donc, maintenant, il s'agit de boycotter GAFA. Google, Amazon, Facebook et... Apple, merci. Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la création de compte Google pour les Android. Apple fait ça depuis des années sur les iPhones. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que même pour le téléchargement d'applications gratuites, on est obligé de rentrer ses coordonnées bancaires. Alors oui, c'est vrai, mais je travaille pas chez Apple, je m'en fous d'Android et d'Apple même. Ils ont tous les mêmes pratiques, je suis désolé, c'est vrai. On peut difficilement s'en passer. J'ai juste envie de vous dire, si vous voyez que c'est une pub ou que vous avez envie de passer par un intermédiaire, contactez le producteur, vous cherchez un billet d'avion, un hôtel, je sais pas quoi. Un hôtel, contactez le producteur, dites-lui que vous l'avez vu sur Expedia, que vous savez qu'Expedia prend 25%, et demandez-lui une remise, il sera heureux de vous donner 10% et de gagner 15% de plus. Ou pas de remise, et puis il gagnera mieux sa vie, il pourra faire un plus bel hôtel, ou un plus beau resto, ou un service plus accessible, un truc plus sympa, quoi. Ou la Maïf baisser ses prix pour les assurances, non ? Je sais pas. Oui, j'ai fait l'expérience, justement, avec Booking.com. Où j'avais réservé dans un petit hôtel à Marseille, qui m'a fait la remarque ensuite, lorsque je l'ai quitté, en disant « ce sera mieux la prochaine fois si vous passez directement par nous, parce que vous paierez moins cher ». Donc du coup, depuis, j'ai retenu la leçon, mais systématiquement, j'essaye de le faire. Sauf que j'ai eu la surprise récemment d'aller dans un hôtel appartenant à une grande chaîne, et j'ai posé la question. Et là, on m'a dit, ah non, pas du tout, ça ne nous gêne absolument pas, non, continuez à utiliser Booking.com, nous, on a les mêmes, vous n'aurez pas l'avantage, parce que le petit hôtel me disait, vous aurez, en plus, vous paierez moins cher, parce qu'il n'y a pas la com. Bon, alors que Booking.com vous fait payer tout de même quelque chose. Et la grande chaîne m'a répondu, ah mais non, vous n'aurez aucun avantage, ce sera exactement la même chose. Donc, il y a tout de même deux poids, deux mesures, c'est l'ubérisation, quelque part, c'est-à-dire c'est les plus gros qui... Les plus forts, qui ont, qui n'ont pas de désavantages, et les plus petits qui sont taxés par ces grosses structures. Alors, normalement, je n'ai pas le droit d'en parler parce que j'ai travaillé dans ce domaine et j'ai signé une clause de confidentialité, mais je poucave. Ces grosses boîtes, qui étaient certainement le groupe Accor, Best Western ou d'autres, ont passé des contrats plus avantageux. Ils n'ont pas de brainjacking, ils n'ont pas de détournement de clientèle. Donc les personnes qui arrivent dans cet établissement par le biais de Expedia, Booking ou autre, les ont cherchées par le biais de Booking, Expedia ou autre. Et du coup, ils donnent pas d'avantage aux personnes. Et faut savoir que le contrat qui les lie, c'est tout simplement une commission 2 à 3 fois plus petite. Pas de brainjacking, pas de vol de marque, pas de vol de contenu, enfin des conditions hyper avantageuses, et que à cette condition-là, ces grands groupes ne font pas de différence de tarif, parce que beaucoup de pays se sont aperçus qu'il y avait une différence de prix, alors que ces grosses boîtes comme Expedia vous disent ouais, chez nous c'est le meilleur prix garanti, et non, surprise, c'est moins cher en direct. L'Allemagne a dit à partir du 31 janvier, fuck, c'est fini. Expedia, Booking, je sais pas d'autres trucs là, vous n'avez pas le droit d'afficher meilleur prix garanti sur les hôtels allemands. Le gouvernement français a dit non, ils ont le droit d'afficher meilleur prix garanti, même si c'est pas le meilleur prix garanti. Ils garantissent le meilleur prix, ça veut dire que si c'est pas le meilleur prix, vous faites jouer la garantie. La garantie, c'est pas compliqué, vous cliquez sur meilleur prix garanti, il y a un texte comme ça qu'il faut lire. Grosso modo, je vais pas vous faire un résumé long. Ils disent qu'il faut les recontacter dans les 15 minutes après s'être aperçu que le prix était moins cher ailleurs, et que dans les 15 minutes, si, à la seule condition que si la chambre était encore disponible, ou le billet d'avion, ou le billet de train était encore disponible, à la condition que vous n'ayez pas donc pris le dernier produit, et qu'une personne, un de ces agents, se rendait compte dans les 15 minutes que vous les avez avertis, ils pouvaient vous rembourser la différence. Bien sûr, on a déjà testé personnellement. En fait, ils vous remboursent pas la différence. Ils vous demandent d'annuler parce que c'est gratuit. Ils vous proposent d'annuler gratuitement et de réserver sur le site où vous avez vu que c'était moins cher. Voilà. Et ça, c'est visible. Vous suffit de lire les conditions. Vous lisez les conditions. D'autres questions, peut-être ? C'est pas une question, mais simplement, je pense qu'en général, même si on peut pas échapper à tout machin, l'idéal, c'est simplement de se renseigner sur les sites sur lesquels on va et tout, et d'essayer de maximum, par exemple, aller sur d'utiliser plus des logiciels libres ou open source et tout ça, parce qu'il y en a de plus en plus qui se développent. Il y a des gens qui touchent leur bille en informatique, qui développent de plus en plus de, comme ça, tu parlais de Adblock et de Ublock. Donc voilà, enfin, on peut tomber sur Adblock, on se renseigne un peu sur ce que c'est Adblock, on se renseigne sur, est-ce qu'il y a un logiciel qui fait la même chose, mais qui est mieux? Bah, il y a Ublock, qui est libre, et donc, il y en a de plus en plus qui existent comme ça. Bon, ça veut pas dire qu'on peut, pour le moment, échapper à tout, mais c'est quand même en train de se développer, donc je pense que on est sur un bon chemin sur Internet, je pense. Moi, j'ai juste envie de rebondir là-dessus. Oui, je vous passe le micro très vite. Alors, elle a dit qu'il fallait se renseigner. C'est génial. Faut se renseigner. Ça vous coûte quoi de prendre une minute de vérifier sur le vrai site SNCF si le billet de train n'était pas moins cher? Alors, SNCF, c'est particulier. Mais sur Air France, sur, je sais pas moi, Air Caraïbes ou autre chose, si c'est pas moins cher, ou un hôtel, un resto, regardez peut-être sur le site officiel. Ça prend une minute. Et puis, si c'est pas moins cher, tant pis. Passez par une grosse boîte qui fera de l'évasion fiscale et qui, de toute façon, coûtera finalement plus cher socialement. Par l'évasion fiscale, par la destruction d'emplois, par la destruction de valeur, 25% du bénéf qui part ailleurs et qui ne crée pas d'emplois, qui ne fait pas travailler les petites sociétés, les décorateurs, les artisans. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est un choix, c'est votre choix. J'ai juste envie de dire, consommez en direct. Faut juste se renseigner. Voilà. Ah, et un dernier truc. On me dit qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent d'être libres et gratuits, machin chose. Alors oui, les restaurateurs ont essayé de se réunir et de créer un truc. Les libraires contre Amazon ont essayé de se réunir et de créer un truc. Ouais, mais il faut savoir que les teneurs de la technologie ont une énorme pression par ces gros groupes et leur interdit, par exemple, vous avez un petit site génial qui s'appelle Fair Booking, Fair, F-A-I-R comme Fair Play, Booking, qui marche pas, je suis désolé, j'ai essayé de travailler avec eux, pour eux et tout ça, ça marche pas, ça va marcher peut-être, j'espère, mais pour l'instant ça marche pas parce que ces gros groupes, Expedia, Booking et d'autres, hein, Hotel.com, je sais pas qui d'autre, hein, on s'en fout, font une pression énorme sur les teneurs de la technologie, de la sécurisation du paiement, pour ne pas connecter ce site et d'autres qui permettent de remonter le contenu, la disponibilité, les tarifs et la réservation sécurisée. Voilà. Et ces teneurs de cette technologie sont les principaux, ont comme principaux clients Expedia, Booking, et d'autres. Qu'est-ce que vous attendez du procès contre Google et en premier lieu, c'est le sujet. Alors, je suis énormément de procès, le procès contre Uber, le procès contre Google. Contre Google, le procès, c'est, il demande 1,3 milliard d'euros. Ça me fait rire, c'est mortel. J'ai suivi les négociations sur d'autres thèmes, j'ai été au ministère, c'est génial, je suis pas allé tout seul, mais j'ai été reçu par le cabinet d'un ministre des Finances il y a pas si longtemps, donc il y a 2 mois, je crois. Ça me fait rire mortellement, quoi, parce que il suffit de suivre les actualités pour voir que la dernière négociation entre Google et le gouvernement français a amené à la conclusion que Google allait être exonéré d'impôts sur le passif, il y a pas si longtemps. Et donc, pour une fois, cet enculé de Macron, pardon, avait résisté et voulait pas lâcher au niveau des sous. Alors, c'est pas ce procès-là, hein. C'était le précédent différent. Ok. Et en fait, c'était remonté à l'Elysée et finalement Hollande avait reçu Google France, le président de Google France, à l'Elysée et avait conclu contre une indemnité très légère l'abandon de toute charge sur le précédent conflit. L'Italie a fait pareil, l'Angleterre a fait pareil il n'y a pas longtemps, ils ont demandé 130 millions. La blague, 130 millions sur les milliards d'euros qui sont... Je suis contre le Brexit, mais s'il y a le Brexit, ça va faire un truc génial. Ils pourront plus évader l'argent autre part. Enfin, je suis curieux de voir comment ça fonctionnera après le Brexit, parce que Google facture pas en France, mais en Irlande, et a négocié 12% d'impôts. Expedia et d'autres sites sur les hôtels et les restos, c'est 3% d'impôts en Hollande, 3%. McDo, c'est 3,5% d'impôts. 3,5% d'impôts au Luxembourg. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire. Donc, j'attends rien du procès, j'espère qu'ils vont payer, quoi. Oui, je voudrais dire, à propos de l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, j'aime bien ce terme optimisation fiscale parce que de toute façon, c'est légal. Si on veut lutter contre l'évasion fiscale, il y a un professeur anglais qui, lui, il se bataille pour la taxe unitaire mondiale. Hein ? Alors, la taxe unitaire mondiale, bien entendu, ça veut dire une taxe. Les grandes multinationales se battront à mort pour que ça ne marche pas. Mais il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui réfléchissent à ces questions-là, hein, et ça serait bien si toi t'en as entendu un peu plus parler de la taxe unitaire mondiale, hein, mais ça, elles se battront à mort pour refuser ce système-là. Hein. Alors, vous comprenez bien que derrière tout ça, derrière ce jeu-là, il se cache une énorme question, le libéralisme, qu'on va pas régler ces questions-là tout seul. Au niveau européen, c'est un charabia pas possible. Vous imaginez bien que l'Irlande et la Hollande ou le Luxembourg n'a pas envie d'abandonner les 3% qui se font sur le fric qui se fait en France. La taxe unitaire mondiale, faut que tout le monde soit d'accord, y compris le G20. Ils ont passé un accord, c'est génial, là, ils ont passé un accord, G8, G20, génial, pour arrêter cette évasion. Bien sûr, ça marchera jamais. C'est dans le bénéfice de Google et des États-Unis. Je suis pas contre les États-Unis, hein, mais c'est dans le bénéfice de Google et des États-Unis de tirer tout ce pognon-là et d'avoir cette influence culturelle et d'avoir et vous savez qui est qui était ou qui est toujours l'un des principaux conseillers du Premier ministre anglais, c'était le président de Google Angleterre. Il était en poste quand il était conseiller. Donc bon, il y a un super article sur Le Monde qui parle de comment Google recrute des personnes de gouvernement. Ils ont recruté une personne de la Commission européenne sur la concurrence. Sur les thèmes de concurrence et de loi antitrust, donc de loi de position dominante, ils ont recruté l'ancien directeur de la haute autorité de la concurrence des États-Unis qui travaille maintenant chez Google. Et il y a des personnes chez Google qui maintenant travaillent dans le gouvernement français ou travaillent, qui ne travaillent plus chez Google, mais qui travaillent toujours chez Google là pour l'occasion, dans le gouvernement anglais, dans le gouvernement. Et ça, c'est génial. Et c'est un article qui est sur Le Monde. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment super. On va prendre une dernière intervention. Je trouve que tout ce que tu dis c'est super, mais par contre là où j'aurais une réserve, c'est que dans la stratégie pour lutter contre Google et GAFA, ce que tu mets en place, en fait, j'ai l'impression que c'est une réponse réactive. Alors est-ce que tu penses pas qu'il faut plutôt être dans les forces actives, c'est-à-dire de pour lutter contre les GAFA, de produire quelque chose de mieux de façon active. Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit la puissance de GAFA au niveau mondial, c'est tellement énorme qu'on se dit mais que peut-on faire à part réagir? Et alors, toi, avec ton expérience et ta proximité apparemment avec les pouvoirs publics, est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour justement de façon active proposer autre chose que ces GAFA et récupérer de la technologie. Et au-delà de l'idée de la taxe unitaire mondiale qui serait une forme d'ouverture vers un État mondial. Donc voilà, moi je voilà. Alors GAFA, ça veut dire, c'est les quatre plus grosses boîtes du numérique, c'est un acronyme, qui est Google, Amazon, Facebook, Apple, hein, c'est le GAFA, c'est ça. Moi je suis désespéré, hein, je suis pas proche des politiques, il y a des politiques qui sont très bien, il y a une députée qui est géniale, qui se bat pour le logiciel libre, qui est venue parler sur Nuit Debout, qui s'appelle Isabelle Attard. Elle est dans aucun parti, elle s'est fait virer des partis, son surnom c'est l'emmerdeuse. Elle se bat contre tout ça et sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Pas que ça, elle se bat sur beaucoup d'autres choses et surtout sur d'autres choses. Mais voilà, une personne, un député ne peut pas faire passer une loi quoi. Moi si je suis venu là, c'est parce que j'ai beau aller partout, parler de ça. Il y en a qui sont super au courant, hein. Tu crois que je suis arrivé au ministère des Finances? Salut, je vais vous parler de brainjacking. La première chose qu'on m'a dit, le conseiller du ministre, c'est ouais, je suis ce thème là depuis que je suis... collaborateurs de députés. Ouais, mais ils ont rien fait. Au gouvernement, on leur a dit de ne rien faire. On leur a dit, le brainjacking, alors, citation de l'ancienne ministre de l'économie, du numérique au ministère de l'économie, Fleur Pellerin, une citation que vous pouvez voir dans les médias si vous cherchez bien. La citation, c'est, ouvrez les guillemets, la citation, c'est, le brainjacking, c'est, ce n'est pas moral, mais ce n'est pas interdit, on ne peut rien faire. Fermez la citation. Fermez les guillemets. Ça s'arrête là. Au ministère des Finances, on nous a dit chut, ne parlez pas de brainjacking, ne parlez pas de ça. Il y a la loi Le Maire là qui va passer. On ne parle pas de brainjacking, on ne mettra pas de brainjacking, il ne faut pas en parler. Au niveau européen, il pourra y avoir peut-être quelque chose qui se prépare sur le brainjacking. Ouais, voilà. Moi, si je suis venu là, c'est aussi parce que je pense que c'est la meilleure façon de passer le mot. Je peux pas me battre tout seul, il faut quand même que je passe l'info. Que vous sachiez qu'on nous détourne notre économie, qu'on détourne notre démocratie, que Google, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. On est obligé de passer par Google de plus en plus parce que Google regroupe un multitude de services que personne d'autre peut regrouper maintenant. Gmail, les Android, Google Earth, il faudrait scanner toute la planète, Google Street View, enfin voilà. Mais le moteur de recherche en lui-même devient de moins en moins pertinent, mais on a pris de plus en plus l'habitude de l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai ramené mon petit panneau, il est où mon petit panneau? Sur WeBlock Origin, ça vous permet d'utiliser tout simplement, merci, ça vous permet tout simplement d'utiliser les services de Google. Sans leur donner vos thunes, quoi. Et sans leur donner votre démocratie. Sans leur donner notre économie, quoi. C'est tout. Vous pouvez utiliser Google si ça vous fait plaisir, ou utiliser autre chose. Mais ça, ça bloque tout, quoi. Et c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup.